Jazz Time, présenté par Gérard. Aujourd'hui, le programme nous est présenté et proposé par l'ami Denis qui a retrouvé le chemin des studios. Bonjour Gérard, je suis bien content de l'avoir retrouvé. C'était un peu difficile depuis 2 mois, mais bon, ça y est, j'y suis arrivé. On est très content de vous retrouver. Et pour commencer ce programme, vous avez choisi un quartet avec 2 co-leaders, Sébastien Texier et le batteur Christophe Marguet. Voilà, alors effectivement, comme vous le dites, on va commencer avec une nouvelle formation. Alors, je dis nouvelle parce que ce quartet est inédit, hein, même si 3 de ses 4 membres se connaissent bien pour avoir évolué à de nombreuses reprises aux côtés d'un certain Henri Texier. Il s'agit donc du quartet formé par Sébastien Texier, clarinettiste et saxophoniste, et fils d'eux, comme vous le savez, et par Christophe Marguet, batteur en pleine activité dont l'actualité discographique est vraiment impressionnante. Je pense par exemple à un disque comme Old and New Songs avec Johan Lustalo, Fred Schifolo et François Chenel. Il y a également Letters to Marlene avec Guillaume de Chassy et Andy Shepard, un trio qui célèbre Marlène Dietrich après avoir évoqué, souvenez-vous, l'univers de Shakespeare il y a quelques années. Et puis il y a aussi Three Roads Home que nous avons écouté au mois de mars, un disque enregistré avec le saxophoniste Daniel Herrmann et une magnifique paire de contrebassistes constituée de Claude Chamichian et Henri Texier, évidemment. Alors pour ce nouveau voyage, Daniel Herrmann, Sébastien Texier et Christophe Marguet sont rejoints par Manu Coggia à la guitare et François Tullier au tuba. Alors c'est une formule assez originale qui peut à certains moments lui donner les allures d'une petite fanfare ou d'un marching jazz band. Le disque s'appelle For Travelers Only, qu'on traduira par réservé aux voyageurs. C'est une musique qui est inspirée par le cinéma, par la musique noire de Chicago, mais aussi par l'actualité. En témoigne une composition intitulée Migrants. Mais comme nous sommes bavards dans cette émission, enfin surtout moi, et qu'il est bon de ne pas trop prendre de retard, je vous propose, mon cher Gérard, de nous dépêcher un peu avec Hurry Up, une composition de Sébastien Texier qui, vous allez l'entendre tout de suite, met en évidence le tuba de François Tullier, aussi bien dans sa dimension rythmique qu'harmonique. Allez, on écoute le quartet de Sébastien Texier et Christophe Marguet, disque paru chez Crystal Records. Thank you. Le nouveau quartet du saxophoniste Sébastien Texier associé au batteur Christophe Marguet. Alors, Denis, on retrouve quelqu'un de très présent, François Tullier, tubiste, qu'on rencontre souvent dans les grandes formations, et qui là, finalement, fait un retour aux sources du jazz. Oui. Il remplace la contrebasse. Voilà, c'est ce que je vais vous dire. C'est pour ça que j'évoquais un peu l'idée d'un marching jazz band. Hein, et effectivement, c'est une formation sans contrebassiste ou bassiste. Donc le voilà, en charge de ce rôle-là qui lui va bien. C'est une musique très, très festive. Voilà. Alors on va maintenant, si vous le voulez bien, consacrer quelques minutes à un musicien que Jazz Time salue régulièrement. J'ai nommé Alban Darche, compositeur, saxophoniste, musicien aux commandes d'un cube qu'on va qualifier de multidimensionnel. Il y a le gros cube, l'hypercube, l'orphicube. Et même pendant un moment, j'avais pensé lui consacrer quasiment toute une émission en raison de nombreuses productions en provenance de son label Yolk Music. Je pense par exemple au Tombeau de Poulenc avec Jean-Christophe Chollet et Mathias Rueg. Il y a également A Beginner's Guide to Diving and Flying de Joseph Moulin et l'Orca Noise Unit. Il y a le Quartet Horse avec Happy Camper. Sans oublier, alors, mais cette fois sur Pépin et Plume, c'est l'autre label d'Alban Darche, Pétrole par un duo de pianistes Nathalie Darche et Karine Liobé. Et puis bon, finalement, je me suis dit qu'on n'aurait jamais assez de temps pour évoquer tous les autres disques. Alors, on va écouter aujourd'hui celui de l'Orphicube, dont le titre a des airs d'oxymore, puisqu'il s'appelle Atomique Flonflon. Alors, à son sujet, Alban Darche dit, je le cite, « Je souhaite restituer une musique qui exprime immédiatement la somme des souvenirs acoustiques ancrés en chacun de nous, les bandes-sons de nos existences ou celles d'un film imaginaire. » Et c'est vrai qu'à l'écoute d'Atomique Flonflon, on imagine assez vite des images en noir et blanc, on se laisse gagner par une pointe de nostalgie. C'est aussi une invitation à la danse, à toutes les danses hein, dans le disque, du cha-cha, du charleston, du musette, du tango, de la java. Et bien sûr, à ses côtés, une poignée de fidèles, hein, en partie ceux du cube. Christophe Lavergne à la batterie, Sébastien Boisseau à la contrebasse, Olivier Lenné à la trompette, Nathalie Darche au piano, Didier Itursari à l'accordéon et celle qui fait son entrée dans la famille Cube, la chanteuse Chloé Caïton, qu'on connaît entre autres hein, par sa présence au sein du médium ensemble de Pierre de Bethmann et qui occupe d'emblée une place prépondérante dans ce disque un peu hors du temps. Voilà. Atomic Flonflon est paru le 30 mars chez Yolt Music et j'ai choisi une composition, à moins que vous vouliez rajouter quelque chose. Je voulais simplement ajouter que la création de cette partition, de cette œuvre nouvelle d'Alban Darche, a été présentée au Festival Jazz sous les Pommiers il y a quelques semaines. Et c'est une belle initiative d'un festival de jazz de donner la place à des créations. Voilà, bah c'est sans plus de commentaires. C'est un peu le Grand Ouest, hein, puisque Alban Darche est originaire de la région de Nantes. Alors voilà. Donc, une composition qui va mettre particulièrement en valeur le saxophone baryton d'Alban Darche. Elle s'appelle « L'oiseau qu'on voit chante sa plainte ». On écoute Alban Darche et l'Orphicube. Thank you. L'Orphicube du saxophoniste Alban Darche, un album qui a pour titre Atomic Flonflon. Et bien, Denis, vous nous aviez proposé une musique qui est à la fois presque savante et aussi très divertissante. Voilà, et comme je vous le disais, tout au long de ce disque, Alban Darche nous invite à danser, on imagine des valses, voilà, ces images un peu cinématographiques qui lui vont bien. C'est de la nostalgie, mais sans excès, voilà. C'est une musique qui est un peu hors des modes et du temps. Je crois que notre époque, c'est bien aussi de prendre le temps, de s'arrêter, de regarder un peu, voilà. Il y a un côté aussi contemplatif qu'on entendait dans cette chanson, voilà. Alors ensuite, vous avez choisi un big band avec, quand on voit la liste des musiciens, on se dit qu'il n'y a que du beau monde. Oui, alors là, franchement, c'est vraiment un de mes gros coups de cœur du moment. Nous parlons de Pursuit of Happiness, donc la quête du bonheur, que vient de signer le pianiste Thierry Maillard et qui est, comme vous le dites, entouré d'un somptueux big band. Ce disque est publié chez Ilona Records et il a été enregistré au cours de l'été 2017 dans le cadre magnifique du studio Recall à Pompignan sur les contreforts des Cévennes. Alors, nous avions déjà eu l'occasion d'évoquer ici Thierry Maillard, notamment lors de la sortie de Il Canto delle Montagne, très beau disque en trio avec Dominique Di Piazza à la basse et André Ceccarelli à la batterie. Mais cette fois, et vous me passerez cette manière un peu triviale de dire les choses, c'est plus que beau, c'est splendide. Les compositions toutes signées Thierry Maillard sont à la fois complexes et très lyriques. Et le pianiste, il fait vraiment vivre toutes les musiques dont il se nourrit. Alors le jazz, bien sûr, mais aussi la musique classique et romantique, la chanson et à un certain moment, la musique sérielle. Je pense en particulier à Philip Glass. Et comme un bonheur ne vient jamais seul, le big band constitué pour l'occasion est vraiment ce qu'on appelle une dream team. Alors bien sûr, il ne suffit pas de réunir les meilleurs pour réussir, mais là, c'est vraiment le cas. Et dans la chronique que j'ai eu la chance d'écrire pour Citizen Jazz, j'évoque à un certain moment un accomplissement dans l'exaltation. Voilà, Thierry Maillard, il est en quête de bonheur. Et il est évident qu'il l'a trouvé avec ce disque et les musiciens qui l'entourent. Et alors, même s'ils sont une quinzaine, je vais quand même les citer dans l'ordre alphabétique, comme ça je ne froisse aucune susceptibilité. Hein. Donc nous avons Stéphane Chauss au saxophone et à la clarinette, Médéric Collignon au cornet et à la voix, Claude Egea à la trompette et au bugle, David Enco, trompette et bugle également, Adrien Ferraud à la basse, Stéphane Guillaume au saxophone, à la flûte et à la clarinette, Didier Ave au tuba et au trombone, Ludivine Sambour à la flûte, Sébastien Liado au trombone, bon, Thierry Maillard lui-même piano et composition, Lucas Saint-Cric au saxophone multiple, Johan Schmidt à la batterie, Samy Thiebaud à la flûte au saxophone, Daniel Zimmermann au trombone et Christophe Zogonès à la flûte. Donc une sacrée équipe. Et quant au choix d'une composition pour aujourd'hui, bien, vous ne serez pas surpris si je vous dis que celle qui a donné son titre au disque est le meilleur ambassadeur possible. Alors on va se laisser tranquillement porter par cette énergie collective qui circule. Je vous propose d'admirer toutes les beautés là, qui sont suggérées et croyez-moi, pendant un peu plus de 6 minutes, vous allez croire au bonheur, j'en suis certain. Le Big Band de Thierry Maillard avec Pursuit of Happiness. We'll be right back. le Big Band de Thierry Maillard, pianiste, chef d'orchestre et auteur de l'écriture de tout le répertoire. Denis, c'est une très bonne idée de nous avoir fait découvrir cet orchestre où on peut, quand on regarde le nom des musiciens, constater qu'il y a des générations différentes. Stéphane Guillaume, Claude et Jeanne sont pas la même génération que Thomas Enko ou Médéric Collignon. Et le mérite du chef d'orchestre, c'est d'avoir réussi à réunir sous le même emblème, en quelque sorte, voilà, sous le même pavillon, des gens qui avaient des conceptions différentes ou presque opposées quelquefois. Voilà, et ça sonne merveilleusement bien. Et vous évoquiez Stéphane Guillaume, c'est d'ailleurs lui qui intervenait au saxophone soprano. C'était assez, assez lumineux. Voilà. Et le titre de l'album, Pursuit of Happiness. Voilà, la quête du bonheur. Alors, on reste dans un big band puisque vous nous proposez une sorte d'anthologie de 30 ans d'ONG. Oui, on peut dire ça. C'est effectivement le temps de saluer une formation qui est historique. Hein, qui a eu 30 ans en 2016. L'Orchestre National de Jazz, oui, avait fêté ses 30 ans en 2016 et dont le nouveau directeur ou nouvelle directrice sera prochainement nommée puisque le mandat d'Olivier Benoît prend fin à la fin de l'année. Et l'appel à candidature a été lancé. Voilà. Réponse, c'était pour le 20 avril, je crois. Oui, quelque chose comme ça. On en saura. Moi, je souhaite qu'il y ait une femme qui se présente. Il y a des noms qui circulent, mais on ne peut vraiment rien dire. On va attendre. Avrissaire, non ? Entre autres, oui. Oui. Voilà. Donc, en attendant, l'ONG fait paraître un très chouette coffret qui comprend un livret de 70 pages, un CD et un DVD. Et c'est l'occasion de revenir à une soirée qui s'est tenue à la Cité de la Musique le 2 septembre 2016, justement pour fêter les 30 ans de l'ONG. Ce soir-là, comme vous l'avez dit, c'est en ça que vous parliez d'anthologie. Tous les directeurs qui se sont succédés à la tête de l'ONG ont répondu présent à l'invitation qui leur était faite et sont venus chacun à leur tour diriger l'orchestre actuel avec leur composition, bien sûr. Orchestre augmenté pour l'occasion de quelques musiciens du CNSM de Paris ainsi que de l'Académie norvégienne de musique d'Oslo, là où Olivier Benoît avait fait une résidence en 2016. Alors, le livret fournit la liste de tous les musiciens qui ont participé à l'aventure, soit plus de 150. Alors, évidemment, je ne vais pas tous les citer, mais je vais quand même donner les noms des directeurs dans l'ordre où ils sont apparus. Il y a eu François Janot, Antoine Hervé, Claude Barthélémy, le seul à avoir dirigé l'orchestre deux fois, Denis Badeau, Laurent Cugny, Didier Levallée, Paolo Damiani, Franck Tortillé, Daniel Ivilec et Olivier Benoît. Alors le DVD permet de revoir le concert ainsi que les interviews des directeurs de l'ONG, interview menée par Arnaud Merlin de France Musique qui était ce soir-là le maître de cérémonie, si on peut dire. Et c'est donc une nouvelle production d'ONG Records qui vient s'ajouter à une autre belle collection qui s'est vraiment étoffée depuis 4 ans, non seulement du fait des 4 disques enregistrés sous l'ère Olivier Benoît, il y a 4 de la série Europa, mais aussi par les 8 disques enregistrés par plusieurs de ses membres, Jean-Douce Tessier, Hugues Maillot, Alexandra Grimal, Sylvain Daniel, Fidèle Fourneron, Théo Secadi et Fabrice Martinez deux fois, hein, qui va sortir un nouveau disque de son quartet Chute. Alors difficile dans ce disque pour cette émission de faire un choix, c'est toujours la même chose, mais vous connaissez mon faible coupable pour l'actuel ONG. Alors je vous propose d'écouter la bande à Olivier Benoît qui interprète un extrait de son premier disque Europa Paris, c'est une composition qui s'intitule Paris 5. On écoute l'ONG. L'Orchestre National de Jazz, dirigé par Olivier Benoît, c'est un peu une façon d'exprimer l'ensemble des interventions de tous les directeurs de l'ONG qui se sont présentés pour faire un petit peu le bilan de 30 ans d'ONG. Voilà. Donc c'est sous forme d'un coffret qui comprend un CD, un DVD. Un CD, un DVD, puis un beau livret donc avec tous les musiciens qui sont succédés. Alors Denis, on va quitter de belles photos d'ailleurs. On va quitter le grand orchestre pour aller vers des formations plus petites, plus courtes. Vous savez que le Luxembourg est depuis plusieurs années une pépinière de jazzmen, des musiciens comme le saxophoniste Maxime Bender, le bassiste Paul Bellardi, le vibraphoniste Greg Lamy, le batteur Jeff Hare. Et là, on arrive à retrouver le trio formé en 2011. Par Michel Hayes, pianiste, Mac Demuth, contrebasse, et Paul Vidgen à la batterie. C'est un musicien particulièrement créatif, et Michel Hayes, l'an dernier, avait d'ailleurs constitué un quartet pour un projet dit au Japon, où il était parti en tournée. Et puis cette année, il sera au mois de mai au festival Like a Jazz Machine de Dudelange avec un double quartet. Et là, vous nous proposez de retrouver son trio habituel. Voilà, qui est donc le trio revient. Il y a 2 ans, leur album Places in Between, qui était paru à l'époque chez Challenge Records. Et là, cette fois, c'est Once in a Blue Moon, mais qui sort cette semaine sur le très beau label italien Cam Jazz, tout comme un autre luxembourgeois dont vous venez de parler, Maxime Bender. Alors quel plaisir, oui, de retrouver ce jazz qui fait de la, comment dire, la concision, un art de jouer, de l'équilibre des forces, un moyen de vraiment donner le meilleur. D'autant plus que Mark Demuth et Paul Vidgen savent très bien dépasser le cadre rythmique de leur instrument pour vraiment en libérer le pouvoir mélodique. Alors on dit de ces musiciens qu'ils sont représentatifs d'une nouvelle génération de jazzmen à la fois romantique et en prise directe avec le courant musical new-yorkais. Alors c'est sans doute vrai, hein, bien sûr, mais moi il me semble que ce qu'on retient avant tout, en particulier à l'écoute de ce disque, c'est la persistance mélodique des 13 compositions plutôt courtes qui constituent Once in a Blue Moon. Alors autrement dit, Michel Hayes, Mark Demuth et Paul Vidgen ont ce talent très particulier qui consiste à vous mettre en tête un thème au point qui ne vous lâche plus après. Donc je pense notamment à Freedom Trail qui ouvre l'album. Et en ce sens, je trouve qu'ils s'inscrivent dans la même lignée qu'un autre trio que vous connaissez bien, mon cher Gérard, qui est celui de Rémi Panossian, qui est connu aussi sous le nom de RP3. Voilà, alors c'est le trio qui compose sa propre musique et principalement Michel Hayes, mais pour ce qui me concerne, je suis sensible au fait qu'une magnifique chanson de la grande Joni Mitchell, Both Sides Now, fasse ici l'objet d'une adaptation réussie, chargée de beaucoup d'émotions. Alors, on parle de Joni Mitchell, hein, mais c'est quand même important de savoir que la chanteuse avait enregistré en 1979 un album intitulé Mingus, qui était le fruit d'une collaboration ultime avec le grand Charles Mingus, qui n'avait pas eu le temps d'ailleurs de voir le projet aboutir, elle était mort avant. Et disque au générique duquel on trouve des musiciens tels que Wayne Shorter, Herbie Hancock, Jaco Pastorius ou Peter Erskine. Donc, c'était quand même une sorte de crème musicale hein, de l'époque et encore maintenant. Alors, puisque je parlais de persistance au sujet de la musique du trio, le mieux, c'est de vous en donner une illustration avec une composition très tournoyante et un peu enchanteuse qui est intitulée May 15. Alors finalement, ça colle bien avec ce numéro de Jazz Time puisque le 15 mai, c'est la semaine prochaine. Alors on écoute le trio de Michel Hayes, Mark Demuth et Paul Vidgen. Thank you. Un trio qu'on a eu l'habitude de dire luxembourgeois, qui est maintenant aussi de qualité internationale. Le trio du pianiste Michel Reiss à la contrebasse, Marc Demuth et Paul Vidjan à la batterie. C'est un nouvel album que vous nous proposez, Denis, qui a pour titre Once in a Blue Moon. Voilà, et qui sort cette semaine chez Cam Jazz. On va passer à un autre trio. Alors le trio du pianiste Fred Hirsch, qui est un pianiste rare, qu'on a qualifié souvent de musicien pour musicien, et qui après des ennuis de santé en 2008 est revenu sur le devant de la scène avec tous ses moyens, et il a publié un album solo accompagné d'une tournée de concerts qui ont connu un succès tout à fait mérité, entre autres le prix Charles Cros pour l'ensemble de sa carrière. C'est donc un retour au trio que vous nous proposez. Oui, je vais vous proposer de découvrir un disque qui est, alors vous passerez l'expression, un double miracle. D'une part, là vous l'évoquiez à demi-mot, en raison du fait que Fred Hirsch a connu en 2008 un coma de 2 mois dont il a fini par s'extraire. Il dit d'ailleurs au sujet de sa maladie et de ce disque, la sortie de cet album est un triomphe personnel. 10 années se sont écoulées depuis mon coma et constater que je peux jouer aujourd'hui avec une telle concentration et énergie est remarquable pour moi. L'autre miracle tient au fait que lors d'une tournée européenne en novembre dernier, Fred Hirsch était ressorti enthousiaste d'un concert donné à Bruxelles. Alors on l'écoute à nouveau. Il dit « Après le concert, je me suis rendu compte que c'était l'une des 2 ou 3 meilleures performances que nous avions données. Le groupe était dans une forme fantastique, l'acoustique parfaite et le piano exceptionnel. De retour à New York, j'ai repensé au concert et j'ai été agréablement surpris de découvrir que ce dernier avait été enregistré. » Vous voyez d'où ça vient, hein ? Alors, pour mémoire, souvenons-nous que... Alors, vous évoquez musicien pour musicien... Tiens, en passant, ça me fait penser, j'aimerais bien de temps en temps que nos amis de NJP mettent en avant des musiciens pour musiciens. Bon, c'est bien les rappeurs, les chanteuses de variété, mais bon, il y a quand même le J hein, dans NJP, donc il faudra quand même y penser. Donc, je m'associe à votre observation. Je verrai bien, moi, le trio de Fred Hirsch, d'ailleurs. Alors, c'est un improvisateur, un compositeur, enseignant, chef d'orchestre. Il a obtenu 12 nominations aux Grammy Awards depuis 25 ans dans les catégories de meilleure performance instrumentale de jazz, meilleure composition instrumentale et meilleur solo de jazz improvisé. Voilà, on va dire les choses autrement, c'est quand même une sacrée pointure. Voilà. Et voici donc Live in Europe, pour lequel Fred Hirsch est entouré des 2 musiciens qui l'accompagnent depuis une dizaine d'années, John Hebert à la contrebasse et Eric McPherson à la batterie. Au programme du disque, des compositions originales avec des dédicaces à John Taylor, le pianiste récemment disparu, et Sonny Rollins, qui a décidé d'arrêter de jouer. Il se consacre maintenant à ses archives. Et puis sur le disque, on trouve aussi 2 reprises de Thelonious Monk et 2 autres de Wayne Shorter. Alors Live in Europe, c'est le genre de disque qu'on écoute un peu en état d'admiration, parce que c'est l'équilibre auquel les membres du trio parviennent. C'est assez fantastique, c'est vraiment l'attention portée à l'autre, et ça nous renvoie très précisément ce qu'on peut appeler parfois l'art du trio. Et vous savez, Gérard, qu'en ce domaine, les exemples ne manquent pas. Est-ce qu'on doit parler de Bill Evans, de Keith Jarrett ou d'un autre pianiste dont vous brûlez de nous parler tout à l'heure, un certain Brad Meldo. Voilà. Alors, on va écouter le trio de Fred Hirsch avec une composition du pianiste, un titre les Skipping. Écoutez ce bel exercice de funambulisme musical à 3, c'est vraiment, vraiment du grand art. Fred Hirsch Trio Live in Europe. Thank you. public a bien raison d'être aussi enthousiaste pour applaudir, Denis, parce que Fred Hersch, c'est quand même quelqu'un qui mérite le détour. Je veux voir Fred Hersch Trio annoncer Jazz et Pulsation, était... je veux les voir. Il était en 2017 en concert à la Philharmonie de Luxembourg. Ah oui, mais pourtant, Luxembourg-Nancy, c'est pas très loin. Non, mais voilà. Il suffit de l'inviter. Il faut déjà peut-être l'écouter, je sais pas. Voilà. Bon, alors on va passer chose. Au dernier disque que j'ai apporté dans mon petit panier. Il est également d'ailleurs paru chez Cam Jazz. C'est un double et il est l'œuvre du batteur mexicain Antonio Sanchez qui s'est illustré d'ailleurs il y a 4 ans pour avoir été nommé au Golden Globe Award pour la musique du film Birdman, dont il avait composé la bande originale. Alors, Sanchez, c'est un musicien expérimenté. Il a joué aux côtés d'Avishai Cohen, Michael Brecker, Gary Burton, Chick Corea, Pat Metheny, Enrico Pieranunzi, Chris Potter et bien d'autres. Et en tant que leader, il enregistre depuis 10 ans sur le label Cam Jazz. Et pour ce nouveau disque qui s'appelle Channels of Energy, on le retrouve en une double et prestigieuse compagnie. Je vous explique. Il y a d'abord celle du chef d'orchestre et arrangeur Vince Mendoza qui... je dis ça en passant, a eu l'occasion de travailler avec quelques-uns des musiciens que je viens de citer, auxquels j'ajouterai une fois encore Johnny Mitchell, dont je vous ai parlé tout à l'heure, et en particulier à l'occasion de son album Both Sides Now. L'autre partenaire d'Antonio Sanchez, c'est le WDR Big Band, qui est l'émanation d'une radio éponyme ou homonyme de Cologne, qui existe depuis la fin des années 40, à l'époque c'était le NWDR, et dont le chef actuel est Bob Minzer. Alors, Vince Mendoza y a effectué une résidence et c'est à cette occasion que s'est produite la rencontre avec le batteur qui a donné naissance à un magnifique disque, 2 CD, 8 longues compositions, toutes signées Antonio Sanchez avec des arrangements de Mendoza et des musiciens en grande forme. Les solistes sont inspirés d'un bout à l'autre. On peut parler presque d'état de grâce, ce qui n'est pas rien en raison du risque que peut présenter ce genre d'exercice, parfois trop appliqué. Mais ici, tout est fluide, ample, et comme il est souligné, c'est un véritable trio. Il y a Antonio Sanchez, Vince Mendoza et le Big Band, et qui est vraiment en action. Alors, c'est encore une fois de plus un exercice d'équilibre, vous l'aurez compris. Alors, je vous propose d'écouter une composition qui s'appelle tout simplement Nighttime Story, Antonio Sanchez et ses Channels of Energy, paru sur le label Cam Jazz. Un court extrait, Denis, de l'enregistrement Nighttime Story, c'est une plage de l'album Channels of Energy, un big band d'une radio allemande dirigé par Antonio Sanchez à la batterie. Et Vince Mendoza. Et des arrangements de Vince Mendoza. Aux arrangements. C'était la conclusion, en quelque sorte, du programme que vous nous avez proposé. Et maintenant, on va faire un petit tour du côté du jazz vivant. Sur l'agenda de Jazz Time, les rendez-vous avec le jazz vivant. Quelques rendez-vous à signaler à nos auditeurs fidèles, car le mois de mai est chargé en concerts dans la région. Outre le Festival de Marly, je rappelle du 17 au 20 mai, il faut noter le 15 mai à l'Arsenal de Metz, le trio du pianiste Brad Meldo, avec pour partenaire des habitués de ce trio, Larry Grenadier contrebasse et Jeff Ballard batterie. Le lendemain 16 mai, il faudrait aller à Luxembourg à la Philharmonie, où la chanteuse Cécile McLaurin-Salvant est invitée sur la scène du Grand Auditorium. Et puis à Nancy, pour le dernier concert de la saison 2018-2019, du Manu Jazz Club, le quartet du trompettiste David Inko, le frère de Thomas Inko, pianiste. David Inko est non seulement le leader de son quartet, mais il dirige aussi, Denis, l'Amazing Keystone Big Band. Avec voilà, donc c'est l'occasion de rencontrer. C'est peut-être une des meilleures soirées du Manu Jazz Club de cette saison. Donc, avant de se quitter, je vous rappelle donc ces trois rendez-vous, le 15 mai à l'Arsenal de Metz, le 16 mai à Luxembourg, le 24 au Manu Jazz Club. Eh bien, on se quitte en écoutant le trio du pianiste Brad Meldo, Got Me Wrong. Un grand merci à Denis qui nous a proposé ce programme de Jazz Time. Merci à Quentin pour la réalisation technique de cette émission. Je vous donne quant à moi rendez-vous pour un autre numéro la semaine prochaine et à bientôt pour l'écoute de Jazz Time. Au revoir. Au revoir.